rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Jul. Et c'est le dernier Planète Rap de la semaine avec Jul qui est là. Comment ça va? Alors, ça va ou quoi? Et toi? Ça va, pépère. En pleine forme? Ouais. Bon, tu te languis de retourner à Marseille ou pas? Un peu. C'est quand, ce week-end ou? Ouais, je repars ce week-end. Non. Retour ce week-end du côté de Marseille. Voilà. Et puis là, la sortie de l'album, toujours numéro 1. Ouais, j'ai pas regardé. Ah, bah moi j'ai regardé. J'ai regardé juste avant l'émission, toujours numéro 1. Ah, c'est fait. Toujours plaisir. Devant ACDC. Merci à ma team Jul. Un gros merci à ma team Jul. Ah, bah voilà, la team Jul. Qui est non seulement dans le studio, mais aussi qui réagit avec le hashtag Jul sur Skyrock. Allez-y, balancez tous vos messages à Jul ce soir encore. Qu'est-ce qu'il y a de prévu dans l'émission ce soir, Jul? Alors ce soir, on va appeler un poteau en prison. Mmh. Il va nous lâcher, j'espère. Mais il y a le téléphone en prison? C'est en cachette, c'est en cachette. D'accord. Après, il y a le freestyle à la fin. Me disais. Et il y a trois morceaux aussi de l'album à envoyer. On va envoyer. Vous m'envoyez les derniers morceaux qui restent. Ouais, et gros freestyle de prévu sur une Gros freestyle plus. De prévu, ouais. Avec Seul et avec la Liga One aussi. À pas louper tout à l'heure, Jul a pris le contrôle cette semaine de Planète Rap. Et d'ailleurs, on va revivre un petit peu cette semaine qu'on a concentré en quelques minutes. C'est le replay de la semaine. Skyrock, remonte le temps. C'était toute cette semaine dans Planète Rap. C'est reparti pour une nouvelle semaine avec Monsieur Jul qui est là de retour dans Planète Rap. Alors, ça va ou quoi? Bah et toi? Ça va, peut-être. J'ai envie de te dire, cette journée, est-ce que tu as vu la place que tu occupes? Ouais, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut, directement numéro 1. Ce matin, tu te réveilles, tu regardes, bim, Jul, je trouve pas le sommeil. Voilà, bim, dans la tête. Je trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte que l'on sème, c'est la même, je vois les jours qui se répètent. Je trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte que l'on sème, c'est la même, je vois les jours qui se répètent. Planet Rap. Je trouve pas le sommeil avec la team Jul, l'équipe qui est là aussi, la chorale de Jul. La chorale Jul. C'était toute cette semaine dans Planet Rap. Il a plus d'envers, il regarde travers, il insulte la mère, il se prend pour ton père, il te doit des lobes, ta famille la lobe, il t'a fait un trou. Je mélange la monster, je me la pète pas parce qu'à ma tête un poster. T'es MC, un braqueur ou un boxeur? Franchement, j'y ai plus, mais j't'écrase un bosseur. Le vase a débordé, t'as rajouté la goutte d'eau. Arrête par les calages, t'as même pas un couteau. J'ai une victime, je monte à pas le poteau. Pour les petits qui se font la merde avec des codes volés. Pour tester un AX, Bingo ou Punto. Continue chez nous, ça t'écoute trop. Mais change pas, reste comme avant. Quand tu mets auto-tune, des fois ça dégoûte trop. Mais j'en fais qu'à ma tête. Mon check, c'est ces gens la pointe. Ramène ceux qui parlent de nous. Qu'on lui nique sa mère, qu'on lui casse sa tête. Viens là, ça sème qui me font mon oser. Ratatata. Dans le check, les filles qu'on fait te font des prises de sommeil. Il faut que je me casse. Depuis que je suis dans le game, gros, je vise le sommet. Mais ça y est, vous êtes balayé. Viens pas me sucer, t'es pas de mon allié. Je suis venu dans le rap comme un alien. 135 balles dans le barillet. J'ai plein de soucis. Gros, j'ai pas la tête à me marier. Avant, quand je serais prêt, presque ça arrivait. T'as vu, c'était sur moi qu'il fallait parier. Ça, c'est le son que Jul a fait là, en l'espace de 22 minutes. Donc, il manque la basse. Et a priori, tu vas rapper dessus là dans un instant. C'est bon. C'est bon, t'as tout? Ouais, c'est bon. Planet Rap, le freestyle. Je viens vous choquer là. C'est pas le propre, tu me lèches des chattes. À la Jonquera, j'ai vu l'instru, j'y casse sa tête. Mes potes aiment quand ça pète. Je crois que je suis bizarre, faudrait que j'arrête de consommer sur la barrette. J'ai pris le mic sans vertigis pour mon pote Bim Bim de Clichy. On fait plus confiance aux potos, trop de BDH qui aime le chichi. Viens voir nos têtes, on est fichés, pourtant on n'aime pas trop s'afficher. Bondel, quand je suis en voiture, quand les gens voient, ils restent figés. On m'a dit là, ils font les suceurs, mais que de critiques quand t'es pas là. J'ai répondu, c'est réel, laisse-les quand ils auront besoin, ben je serai pas là. Planet Rap. Jusqu'à la santé, hey. On ressent la chienneté, hey. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. Je suis fier de mon parcours, joue pas le brigandé. Ce soir je m'évade, j'ai bu de l'alcool. Tu vois c'est cool, je les remets tous d'accord. Oui moi c'est Jul, oui moi c'est Jul. Ils me prennent pour une star, tu vois pour moi c'est dur. Ouais je taffe toute l'année, je te dis pas comme je suis fané. Là y'a tout le monde qui m'écoute, même mes potos condamnés. Ils veulent que je change mais moi je reste le même. Je peux pas changer vu la vie que je mène. Mister You qui nous a rejoint, qui est venu faire un coucou et qui est présent sur ton album aussi, Mister You. À Paname, ça se mange nous que devant Dieu. À Paname, ça défouraille pour un Dieu. Aïe aïe aïe. Big up tous les frères et crew et cherche pas la merde, tu vas la trouver. À 15 ans, si tu mets ça pète les plombs, ça désespère. Ça passe des années entières à se péter le vaussaire, fumer des airs. Dans Gaza, un truc de ouf, ça fait la guerre avec des bières. De l'autre côté, ça rôde ça avec des missiles et avec des bières. Quelle justice de merde, quel système de fils de pute. Les problèmes, ils mangent l'impression de vivre dans un monde de lune. Depuis tout petit, j'ai des mauvaises fréquentations. Je traîne qu'avec des mandats d'épaule et c'est pas ces mauvais garçons. Attends, plus père, nous tisons, nous pédons. Le rap en plein dans les airs, on écrit sur des billets d'avion. Normal que ça saigne. Lâche avec tout l'eau, les soutiens. L'argent de l'assassin. On parle trop de sur un zodiac. Voilà une semaine chargée avec Jules. On a pu réécouter quelques moments, notamment ce son que tu nous as réalisé en direct, c'était mercredi. Voilà. Tu as rappé dessus, titre inédit. Hein. C'est ça, il n'y a que de l'inédit à chaque fois que je vais ici. C'est vrai. Comme je t'ai dit hier, j'écris tous les textes avant de venir et je compose les instrus aussi avant de venir. C'est tout, toutes mes instrus qu'on a. C'est pas la crise au mic. Cette semaine, entre 20 et 21. Avec Jules, l'album est sorti lundi, on le découvre cette semaine encore. 20-21, il y aura un gros freestyle à pas louper. Il est 20h pile, on balance un morceau de Jules. Allez, on envoie trop de vis. Trop de vis. De l'album, ouais. Allez, c'est parti, c'est extrait de l'album. Je vis ma vie comme je le sens. En buvette sur l'autoroute à 2 ans. Je viens me faire part de ce que je ressens. Chaque jour un problème est naissant. Je calcule rien quand je suis guillé. Une envie de faire la guerre, une envie de crier. Pas besoin de me montrer, je suis déjà grillé. On achète pas un homme avec un billet. Mes potes sont dans leur tête. Son plan folie, tape hôtel. Braque en but, au rire, sel. Tout travail mérite aux ailes. Aide ton pote quand il en a besoin. Ne le trahis pas, ne le dégoûte pas. Contre la rage, non y'a pas de vaccin. Les faux qui parlent, ne les écoute pas. Je rappe, ça fait des années. Je vois le vice des gens, j'ai le cœur fané. Ça y est, toi, tu m'as fait trop de manières. Je vois que t'es pas comme nous, tu veux m'emboucaner. On n'est pas les mêmes, on le sera jamais. Oublie-moi, laisse-moi planer. Que tu te montes, t'es trop cramé. Unana eh, unana eh, unana eh, unana eh, unana eh. T'es pas un homme seul, tu l'es pas deux. Laisse pas ton poteau pour une échade. Pourquoi tu me regardes? Fais gaffe, ça pourrait péter au garde. Faut que je vive mes rêves avec les gens que j'aime. Moi quand la nuit s'achève, je bois mais je suis toujours le même. Je suis au-dessus de ça, ça la peur. Fais tourner que je puisse m'évader. Ça cherche des folles, ça se balade. Calibré sous gros dégradé. Au check ça a trop changé. Tu peux vite finir étranglé. La haine peut prendre le dessus. Tu peux vite finir étranglé. Y'a trop de larmes qui coulent. Trop d'âmes dans les câbles. Trop de crâmes dans les couilles. Rap ça fait des années. Je vois le vice des gens, j'ai le cœur fané. Ça y est toi tu m'as fait trop de manières. Je vois que t'es pas comme nous, tu veux m'emboucaner. On n'est pas les mêmes, on le sera jamais. Oublie-moi, laisse-moi planer. Que tu te montes trop cramé. Dédicace à François, le fils à Nicolas, à Gouda de Aix, à Alain, Couille, JM, Dexter, à Gilou, à Momo Perpère aussi, c'est la crise au mic, mec. Après une dédicace à Boy, le chat, Dadinho de la Renaud, Conchetta, le Mom, Jimmy, Pétou, la Dada de la Sova, Lounis, Kalilou, Toko et le bâtiment des Beaumettes. Ah, et le B aussi, c'est bon, la crise au mic, mec. Tu as intérêt à oublier personne, hein, Jules, pour cette dernière. T'as compris. Parce qu'il y a eu beaucoup de dédicaces depuis le début de semaine. Et ouais. Et là, c'est les toutes dernières. Voilà, c'est ça. Avant de repartir du côté de Marseille pour Jules, aussi une année 2015, on va parler un petit peu du futur. Donc pour toi, 2015, ça va être la scène, avant tout, travailler la scène. Voilà, travailler la scène et surtout aider les artistes là, à produire un peu... Produire un peu les projets, tout ça. À mettre en avant. Voilà, à mettre en avant tous les artistes de la Liga One. Donc ton label, Liga One. Ouais. Voilà, on va essayer de tout péter. 2015, il y a Ghetto Phénomène, il y a Kamikaze, Khalif. On va tout péter. Bon, je rappelle que 2014 a quand même été une année en termes de vente. 200 000 albums vendus, plus de 200 000 albums vendus. Voilà, c'est ça. C'est fou pour Dans ma paranoïa. Hein. T'espérais ou c'est genre de chiffres ou t'avais aucune idée en fait? Toi, tu balances. Moi, à la base des bas, je comptais faire 3000. 3-4. Vraiment? Vraiment? Ouais. Je savais pas du tout. C'est venu comme ça. Mais tu sentais qu'il y avait un truc, parce que sur les vues, pour le coup, sur Internet, t'as beaucoup balancé de morceaux, beaucoup de... Après, j'ai senti, après l'album, parce qu'au début, Ouais, j'ai senti un peu, mais au tout début, quand on m'a demandé combien tu espères faire de ventes et tout. 3000. 3-4000. Après, il y avait mon manager qui croyait encore plus en moi. Il m'a dit, voilà, tu vas faire 30 000 là. T'inquiète pas, il m'a dit. On va faire les 30 000 et tout. Et voilà, c'est parti de là. Et là, c'est plus de 200 000 albums pour Jul. Je rappelle que vous pouvez voter aussi hein, avec le Skyrock FM pour les votes Planète Rap, pour aller défendre Jul aussi. N'hésitez pas, les votes, les résultats des votes, ce sera la semaine du 29 décembre sur Skyrock. Tu voulais qu'on passe un petit coup de fil? Ouais. Je crois que nous avons donc quelqu'un pour toi par téléphone. Il suffit que tu dises allô. Allô. Allô. Alors. Ouais, ça va ou quoi le temps? Alors tranquille. Alors Jul, présente-nous. Tranquille ou quoi? Alors, même si... ça va ou quoi? Ouais, ouais. Voilà. Dis-nous un petit mot sur qui au téléphone. Ça se tient, t'entends la fenêtre. Eh ouais. Ça c'est Barbas, c'est la famille X. C'est le poteau qui soutient mort en prison. Et voilà, un gros big up à lui. Et ah, tu nous lâches pas un petit freestyle là? Ah, normalement tu enchaînes un freestyle. Hein. Tu fais. Arrête pas. Ah, t'es néné, voilà. Tu es chaud? T'es néné, voilà. Vas-y, envoie, sur ma mère, envoie. Voilà, qu'est-ce que c'est, ma mère? Voilà, vas-y, dédicace tous les. Bon, alors, vas-y, ouais, je pense que si tu appelles pour le Planète Rap de Jul, il va y avoir beaucoup de dédicaces à passer. Alors, vas-y, envoie les dédicaces. Bon alors, dédicace à Rimka de l'île Saint-Denis, à mon frère Farid que j'aime, à Face de Sarcelles, Bruce de Vitrolles, le Tatoué, Furé du 9-2, Dilali de la Casté, Bouder, Bilou, Poisson, Sofiane Verla, Dola Baston, Juno, Hichem, des Oliviers, Dylan Le Belge, Brian de la Cayolle, Théo du 15e, Mouton Le Sang, Warid Picon, Flight, Booba, dédicace aux poteaux de la Seine aussi qui sont là à Toulon, qui soutiennent à fond. Alors, il y a Jordan Gomis Balotelli, John Gomis, Pasta, DZ, Carlos, Maïn, Reda Lecor, Nico, après Rachid de Texas, l'arnaqueur, après à la famille, à mon cousin Baptiste, deuxième compte, Saïd Ribera, dédicace à Maxime Vatos Locos, Baby Boy, dédicace à Gilles Alouine, dédicace à Fabio, Chico, Kamikaze, à tout le monde, Mec de Mars, Jaco Vinch, Daniel Gianni, Pilka, Frisa, j'ai pas eu le temps de le voir ici, c'est taillé, il a pris la fuite, Vizi, Wari, dédicace à Omar, à Malik, à Bouba. Dédicace aussi, bon, et tout, le grosse dédicace à mon oncle Simon, dédicace à mon oncle Malik, Tota, ouais. Adi, dédicace à Valérie, à Christine, à Madaron, à tous les tendres, voilà, dédicace à Eddie, mon petit cousin Eddie. C'est un freestyle, ouais, c'est un freestyle dédicace en fait. C'est un gros freestyle dédicace. C'est un freestyle dédicace en fait. J'étais obligé de les dédicacer, mon trou d'heure. Tu es obligé, c'est ça. Bon, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous, voilà, en tout cas. En tout cas, nous, soutien, c'est plaisir. Et voilà, tu donnes la force à tous les détenus. Ils sont tous derrière toi, à Toulon, à Luynes. Bon, à Luynes, tu le sais, on a fait nos preuves. Et voilà, on t'embrasse fort et continue comme ça, frère. Merci, voilà, t'inquiète. Il y a des gains dans le rap, frère. Tu les laisses pas respirer. 3 albums par an, c'est difficile. Hein. C'est dur. Bon, continue, mon frère. Je t'embrasse et voilà. Merci, bon, je vais pas te dire de percer. C'est déjà fait. Ben, Inch'Allah, tu transpertes. Je veux que je te dise. Après, il y a mon cours. Vu que, attends, 2 secondes, j'ai vu, il y a un truc, il y a mon cours à faire, là. Ouais. Vu que j'ai vu qu'il y a eu un petit truc toute la semaine, là, il a un message à faire passer. Ouais, Fabio, je t'aime. Ah ouais. Fabio, j'ai aimé c'était, c'est ouais, il aimait tous les soirs, il a reçu beaucoup d'amour, Fabio, qui est là avec nous, hein, qui fait partie de l'équipe. Ouais. Il a reçu beaucoup. Voilà. Vous êtes là. Voilà. Voilà, écoute. On a pu. Merci à vous d'avoir été avec nous, en tout cas par téléphone. Merci les gars et bonne continuation. Merci, écoutez le freestyle, on va tout dire. Et une grosse pensée pour le manager, n'oubliez pas. Et bande de fils de. Bah allez, bonne soirée. Merci, merci à toi. Allez. Bonne soirée à l'instant sur ce qu'il y a un petit soutien donc qui venait. Vas-y, merci. De là où ça venait. À l'instant de Jul sur Skyrock entre 20 et 21, le Planète Rap, il est consacré à l'album qu'on découvre tous les soirs. On va balancer un morceau, Jul, tu veux bien? Allez, tu nous envoies le prochain, Abdel. Abdel qui est de retour au platine. T'as le boule qui chamboule. Y'a trop de trains, y'a trop de enfermé en doll. Que tu chantes pour rien, que tu me fais le monstre. On les baise à tous, demande un mot monstre. Je retiens que je vois les chevilles tourner. Je crois que mon putain il est genouillé. Il vit la nuit puis dans la journée. Le chétan nous l'a détourné. Je retiens que je vois les chevilles tourner. Je crois un pote putain il est genouillé. Il vit la nuit puis dans la journée. Le chétan nous l'a détourné. J'ai perdu mon temps. J'aurais dû écouter ma mère. Ils sont jamais contents. Ils me font toujours plein de manières. Ils peuvent dire ce que je ressens. Quand je repense à la galère, je fais vrai, tu le sais, tu penses en tout le sens. Tu parles mieux, c'est tu le sais, le sang. Y'a trop de traits, y'a trop de folles. Y'a trop de frères enfermés en dôle. Que tu chantes pour rien, que tu me fais le monstre. On les baise à tous, demande un mot monstre. Sans savoir, ils osent accuser. J'en veux à la juge maintenant, tu sais. C'est la fin du parloir. Ils vont te faire tousser. Et je vais te mettre au sol pendant que tu dessoules. Tu finissais, t'as même plus le sou. J'ai perdu mon temps. J'aurais dû écouter ma mère. Ils sont jamais contents. Ils me font toujours plein de manières. Et peut-être ce que je ressens quand je repense à la galère. Je suis vrai, tu le sais, tu penses en tu le sens. Moi tu parles mieux, si tu le sais, le sang. Et c'est pour Gilou. Tu peux pas imaginer. Trop de faux verres chez nous. Enfile ton gilet. Et c'est pour Jaco. Nous on parle pas trop. J'ai rien fait de ta life. Nous fais pas le patron. J'en passe une pour Bim Bim. Respecte la team. Parle pas au téléphone. Elle est cramée la team team. J'en place une pour nos frères partis. Parce que rien que ça tire. Nique les BDH. Est-ce qu'ils se collent pour s'en sortir? Nique les BDH. Est-ce qu'ils se collent pour s'en sortir? Une grosse dédicace aussi à tous les MC qui m'ont soutenu. LECK, Maître Gims, Mister You, Soprano, Rimka, AP, Laura Luciano, Chef Khalas et Demon One. C'est la crise, oh my god. Joule, extrait de son album qui est dans les baquets, numéro 1 des ventes toute la semaine. Il est là avec nous entre 20 et 21. Joule, il y a un gros live qui se prépare dans quelques minutes. C'est ça, avec une grosse instru que j'ai fait hier vers 3-4 heures du matin. Ah oui, donc instru inédite. Voilà. Pareil, et puis après session freestyle avec la Liga One aussi qui est là dans le studio. Et avec le live de Pourquoi tu me fais le gros en dernier. Exact, bah pas loupé dans quelques minutes. Un petit mot sur les prochaines sorties, ce sera qui de Liga One qui va sortir un projet en 2015 rapidement? Alors en premier, ça sera Kamikaze. Mmh. Voilà, il arrive lourd. Avec d'ailleurs, il va sortir un clip là. Il va sortir un clip. Ouais, ce week-end, il y a le clip là. On balance le premier extrait de l'album. Et voilà. Donc il arrive là samedi, dimanche. Ouais, on sait pas trop. Ouais. C'est le lourd. Ça dépend de l'encodage. Ah voilà. Bon bah voilà, pas louper en tout cas, faudra. Où est-ce qu'on peut te suivre d'ailleurs? Où est-ce qu'on peut sur suivre la Liga One officielle, YouTube, mmh. Kamikaze officiel, Facebook, Kamikaze officiel aussi. Sinon on peut suivre Liga One aussi, après, les réseaux sociaux pour vous suivre. Voilà, ouais, il y a la Liga One, sinon il y a le Facebook Ghetto Phénomène. La page officielle. C'est la page officielle Ghetto Phénomène sur Facebook. Voilà. Il y a ça. Il y a Khalif. Ah bah voilà, Khalif aussi en 2015. Voilà, ouais. Khalif juste après Kamikaze. Voilà, et après, en avril, voilà. On va essayer d'envoyer un album en avril, Inch'Allah. Et après, avant, on va buzzer un peu et on va essayer d'envoyer des sons avant ça. Et bah très bien, on suivra ça donc pour 2015. On va attaquer le live. Ça va être lourd, Fred. Ils s'attendent pas. On va attaquer le live. Est-ce qu'on balance un morceau avant le live ou pas, Djoulou? On attaque le live direct parce que je sais qu'il faut beaucoup de temps. Vas-y, envoie un petit morceau d'abord. Et bah bougez pas. Alors après la pub, on balance un morceau et après on attaquera le gros freestyle avec Djoul et la Liga One. Ouais, vas-y. Comme toi. Djoul a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Avec Djoul, la Liga One et la team Djoul aussi dans le studio, soir entre 20h et 21h sur Skyrock en ce vendredi soir pour la dernière. Il y a du monde les gars? Ouais. Non, mais vous êtes plus chaud en fait. Vous voulez redescendre à Marseille, ça y est, ça vous a tué cette semaine parisienne en fait. Hein. Ah, tu vas voir, ils vont être là pour le freestyle. Allez, vous êtes prêts? On débute maintenant. C'est un gros freestyle. Hein. 30 minutes de freestyle. J'enchaîne d'entrée 10 minutes. Allez, c'est parti. Joule, Abdel est au platine. On y va. Ça, c'est son. Un peu plus le son plus fort dans l'oreille. Ça, c'est celui que t'as fait hier soir à 3h du mat, le son. La la la la la. La la la la. La la la la la. La la la la la. La la la la la. Ok. Je les calcule pas. Je trace tout droit, même si je m'en fous de toi, mais arrête de pomper mon flow. Qu'est-ce qui va pas? Tu te prends pour moi? Tu parles de moi, on m'a dit d'après les infos. Et vas-y, nique tes morts fort. Ça y est, j'en ai maman marre. Baisse les tous, m'a dit mon tête, fais l'heure à la guerre. Ouais. Mes potes qui font cracher, tu lances les lules qui mettent les barres sur la fenêtre en faisant des pompes torse nu. Ouais. Ouais. Pour ce voilà. Qui part, t'as la gratte seule. Ouais. T'as des soucis, t'es en sursis, poteau, t'es pas le seul. Ouais. Et j'pue la rue comme calife, j'trouve pas le sommeil la nuit. Dis-moi qu'est-ce qui t'arrive, j'te sens pas bien la mif. Ouais. J'aime rôder en deux roues, dans mon check avec les frérots. Ouais. Pas les couilles des feux rouges, ou que Schmitt fasse le héros. Ouais. Ouais, c'est du bande de béro, yeah. Mais la tienne, c'est l'apéro. Tiens café, excuse-toi et viens, on repart à zéro. Wesh alors mademoiselle, qu'est-ce qu'on fait la seule? Vas-y monte sur la selle, mais compte-moi tes bzezel. Dans ma vie j'en ai marre, regarde nos gueules, on est mort. Trop de BDH dans le secteur qui aimerait me jeter un sort. Je reste moi-même, moi. Allez leur dire, ouais je suis fier de moi. J'ai pas su c'est pour sortir, me parle pas, je suis concentré. Quand je suis sur l'ordi, le succès je l'ai eu. Parce que je sors de l'ordi, je voulais t'aimer. Mais mon cœur est brisé, je pourrais pas te dire mes sentiments tant que j'ai pas teasé, tant que j'ai pas sympathisé. T'es plein dans ma vie, quand t'as vu ramener des fois là où on m'a dit ça. Bon ben disons que les gens sont pleins de babla. Ces bâtards aimeraient que je meure ou que je prenne 10 ans. Et je débite, je suis venu pour mettre des buts. Toi ton équipe, les je débite et parle en traite comme des putes. Dans mon del, je regarde dans l'air quand je capte. Je fais des clins de yoga, j'ai fait la coupe, y'a pas de casque et qui veut test. Jules the best, n'est pas comme ces gros traîtres qui retournent leur veste. Et là j'ai mal à la tête. Pas d'erreur à faire la fête. Et ces fils de veulent me freiner dans ma quête. On est guetta au shit. Voyons en bruit sur la machette. Faut que tu saches qu'il y a personne qui m'achète. Ni ton respect, ni tes folies, ni tes chèques. T'es pas mon pote, je vois pas pourquoi tu me check. Laisse pas traîner ton vice. You va acheter mon disque. C'est comme si je t'achetais un disque. Avant de charger des miss. Et je freinais sur les disques. Avec ma Twingo, on allait roder. On était 10. Elle me fait la fille propre, mais je l'ai vu à l'hôtel Ibis. En plus, je connais son mec. C'était Minique Hôtel Iglis. Pour mes frérots malhonnêtes qui accélèrent en fond de 6. Le scoot dans la camionnette. À la spu devant les cifs. Trop de folle dans les chiches. Ouh, mamacita. Moi, je suis au quartier avec mes frères. On fume le shit. Le green grade du cœur. Je suis sur liste d'attente. Au quartier, quand il est civil, on dit aucune liste d'attente. Moi, je suis toujours en retard. Même quand la miss m'attend, moi je refuse pas une photo, même sous la pluie battante. Et la mine, je me fais des poteaux, volant du Ranja toutou. Les frères sont prêts à tout, savent comment finissent les poteaux. Je suis mal comme ce jeune capin qui veut tout. Comme ce pote qui veut tout braquer, mais calme corps à rondoudou. Moi j'évite les descentes comme les MC le 8 décembre. Mes potes quand j'ai embrouille, ils semblent s'habiller décembre. Rien à faire, on parle de tout, de rien, t'sers mes gros canons. Si, cherche pas à s'associer, donc ne viens pas négocier. Les gars, ouais, ils savent qui on est. Marseille, c'est fille et monnaie. Pastiché dans le rap, un peu comme le gang des Lyonnais. Quartier, je les sillonne. Tous les jours à l'affût d'une patrouille à sillonner. À chaque contrôle, je leur ionne. Tu fais le mec qui s'est cabré, tu même pas le tour du bâtiment. Tu dis qu'elle, tu l'as baisé, dis-moi poteau. Faut tu mens. Ouais, c'est trop ozonné. Ça aide dans les poches. C'est pour ça, quand je vois un photo en chien, baisse le dépoche. Ok, je fais disque d'or, mais sérieux, je m'en tape, gros. J'suis toujours au check dans ma caisse à fumer des pétards, gros. Il me fait de la peine, comme ce poteau assis sous la pluie. Les voitures sont remplies, peu cher à personne, il s'appuie. J'suis tranquille dans ma bulle, me raconte pas la vie des gens. Plus belle la vie, mon cul, elle est plus belle la vie des gens. C'est ton poteau, putain, il t'a volé ta moto. Cherche avec un calibre dans l'auto. Il le vend, il le fume, pas le bédo. Il est trop fier de son ghetto. Quand il rentre en boîte, il évite les détecteurs métaux. Check, c'est la pointe, mais t'inquiète, j'oublie pas fond vert. Paranoïa, tu sortis le cross volé comme nous savons le faire. T'inquiète, mon poteau, on a tous connu la misère. Sors ta famille du ghetto, au lieu de sortir un ZX 6. Si je t'ai vu grandir, je te reconnaîtrais sous la visière. Je sais que tu sais pas mentir et que t'as quelqu'un de. À planète rap tranquillement, tu sais que je freestyle facilement. À Skyrock, c'est Jojo Jules, tu sais que je fais pas de cinéma. La rue m'appelle Mi Amor, je l'aime, mes pequeños. Dedans, j'ai vu les petits armés comme la panda et pequeño. Je les ai vus sur des motos à trois, cabrer, faire des soleils. Faire des plans pour braquer le tabac au lever du soleil. Cherche une minch qui a du cœur, pas un tapin. Petit frère sèche les cours pour se frapper des tempins. Y'en a qui t'es néné au terpin, qui nique leur paye au caser jusqu'à se mettre en tête. Mes potes, je crois qu'il leur manque une caserne. Y'a trop d'eau, ça se passe à s'acheter des mitrailleurs. Pendant que dans les caves, ça refabrique. Dédicace à ce qu'il représente. Le ticard en prison, dedans, ça fait de l'argent sale pour sortir le mettre ailleurs. J'aime la fufu du parlu, décalé dans ton tailleur. Je fais cet album pour prouver que mon son vient vraiment d'ailleurs. Y'a trop de folles à l'affût, trop de civils qui cherchent la fif. Qu'est-ce qu'il ferait? Il ramène sa pouf, il a croit quand elle chante sa flûte. Elle te fait croire qu'elle t'aimait, tu t'es mis dedans. Elle t'a plus donné de nouvelles quand tu t'es pris deux ans. T'en veux plus, t'as les nerfs, une envie de faire des meutes de. Le matin te guette, on vote de à la fenêtre. Je suis pas un voyou, moi je dis pas que tire. Je connais être humain, je vais partir, j'ai un avenir à bâtir. Ok, j'écris dans le quartier, il pleut, ça sent la galère. Les civils packs sont les fils, ces fils d'up, ils font marche arrière. Le jour des clips, ça sort les crosses, ça veut rouler des joints, plus haut que le monde. Celui qui s'esquive quand y'a les flics, la honte. Ou spundo, écoute, tu joules dans ta fée, ta punto. Vitaine, tes fumées toxiques, ça fume même s'il reste plus une goutte d'eau. Ok, tout sopé, Jules floqué sur le t-shirt. Je suis venu pour tous les choquer. Ok, comme Swagman, tu posais. Le genou n'a pris un verre rosé. Chez moi, les jeunes sont fous, des fois pour une folle, ils veulent s'arroser. J'ai osé, si j'ai posé, c'est pour tout niquer. Ok, maintenant ça touffe avant qu'à ça m'écouter, presque à se moquer. Toute crosse de hockey, désolé si j'ai fauté. Mais n'oublie pas, gros, quand t'as eu un bruit, j'ai sauté. J'suis marqué de rue, je vous rappelle. Respect aux frères qui poussent les peines. C'est l'as pour barbasse, gros, y'a plus de cœur, y'a plus de peine. C'est Jules, fais pas le bad boy. Et là, j'en place une fourboy. En promenade sur une jambe, on n'oubliera jamais le hood boy. Ils savent qui c'est qui Nikki, ils savent qui c'est qui Tupki. Moi, c'est Jules, tu peux me voir en stunt, en Porsche ou en Suzuki. Y'a des sous qui dorment, y'a des équipes qui se forment. Y'a des loups qui dorment et des poukis qui dorment. Je reste moi-même malgré les coups de crasse. T'as de la beule, le coup se passe. J'étais en pingo, j'branchais les mises qu'il y avait en classe. Putain d'époque, j'vois les petits tassés. Ils pensent au futur, pas au passé. Sur ta sœur, ils veulent passer. Ok, demande à Asdin. Putain, c'est des bâtards les gens. Touche à la maman, ça vient de te mettre des calages dans les jambes. C'est la gratte, c'est la sporo, c'est mousse. On aime les folles, les flosses, t'as pas compris. On vous baisse tous, allez, on bike. Comme l'ours et Walid au volant, n'insulte pas la daronne. Ça peut revenir avec le peupon et le collant. Quand je dis que je troll les dents, c'est pas en rigolant. Quand je roule du shit, je lève le collant. Quand je fume la peu, je suis étonnant. Pas normal ce que je vois, les gars. Je vois personne serrer les coudes. C'était bien, mais ton pote lève pas en sort qui te lèche les couilles. Pour un bleu, ouais, ou même pour un petit pétou. Passe au E si tu veux chez tout. Je traînais beaucoup dans ma vie, mais je sais pas que chez tout. Une petite turbulence. Qui font trembler les gros, qui insultent les képis en leur faisant des doigts dans le rétro. Ne tends pas trop l'oreille, parce qu'après temps c'est trop. Ne tends pas trop la main, parce que même tes potos en l'écro, tout a changé. Avant au secteur on était trop, on traînait à la pointe au bloc 4 ou devant le métro. Placé dessus sur le béton, pour le charbon les petits se levaient tôt. La vie mon grand chien, pour me soigner faudrait un veto. Je fais que les éviter, le terre-terre je l'ai jamais quitté. J'ai vu jeune braquer ce riche armé sur un T-Max quitté. Tu veux me texte, dis-moi quitté. Tu veux me connaître, mais pas qui je suis. Les gens t'en foutent d'aller voler, tant qu'il y en a toujours un qui suit. Quitter le quartier, au bon mètre faut porter ses couilles. Insulter la mère au brigadier. J'ai rien lâché, j'ai eu l'envie. Tu peux demander à Tota. Malgré les fils de pute qui font des bruits cotas. C'est là pour Charlie, mon manager que j'aime. Grâce à lui que tu l'as, que je pense à lui, je revois des scènes. Il croyait plus en moi que moi, je crois en moi. Peut-être qu'un jour on se reverra. Pour l'instant, je pleure quand je suis chez moi. C'est trop mal, tu vois le schéma. Même si je garde le sourire, les frères, rangez vos armes. C'est tout le monde qui fait que souffrir. Moi, je veux pas inciter les jeunes dans les cités. Je veux juste les évader, les faire danser sans hésiter. Et toi, MC de merde, arrête de parler de moi. Mais quand j'ai eu mon disque d'or, je parlais de moi. Tu me dis pour des vues. C'est vrai que c'est des sous, mais bon, tu rappes mieux au début. On fait comment on débrouille. Les gamins gros ont des boules. En rentrant de showcase, je pourrais faire 10 films de boules. Je connais qui est de l'argent ou pas, qui est des folles ou pas. Présent quand un frère fait juste des coupables. Au quartier, c'est de la tout part. Je voyais les petits grimper au balcon. En partant, je leur disais, pense à ta daronne, fais pas le con. Un jour, je t'ai posé, pépère au quartier. C'était le matin, je m'y tends Kango, le charbon s'est fait péter. Je disais aux clients, repartez. Revenez peut-être demain, il y aura quoi faire partir. J'aimerais voir le bonheur, mais pour l'instant j'ai vu que l'extrait. La vie c'est chaud comme tirer sur son pote sans faire exprès. Prends sa calage, bolosse, rien ne sert de faire le colosse. Toujours le crocodile ou tout le floqué sur le bolos. Ils demandent à un moment de faire gaffe aux pétasses qu'il faut là. Y'a des salopes qui veulent tes sous, en gros y'a que des folles. Pour mes taulards qui me disent au pompon c'est lui. Pour me refaire jaquette des gens où je vends des plaquettes semi. Tous les braqueurs en 2,5 qui rentrent chez toi avec une perruque. Ça se refait avec un morceau à 10, chez moi quand c'est rue. Oh les mains c'est la crise à l'Asie. Ou MC Rafale de droite en détail. Ou Ken à la rue. Trop de rage en moi, trop de fils de bâtard. T'étais une victime au placard. Que tu blablates, c'est pour les petites chez moi qui t'observent, qui te cabrattent. Qui veulent ta femme, ta vie et ta carte. Je sais plus qui est qui. Je cache mes cicatrices. J'en ai tellement marre, moi, de voir mes gars tristes et que ça me piste. En showcase, je retourne la piste. Je connais tellement bien la vie que tu peux la lire sur mes cicatrices, les gars pistes. Venez, on se fait la bise. Fermez vos gueules quand vous laissez seul. Vous... quand vous êtes à 10, comme Mortadon, je fais la diff. Et tout méga kiff. J'ai trop sur les nerfs quand tout va mal. Je suis ton sédatif. Tout mon rap, c'est easy. Ouais, demande à visi. La pointe, ils connaissent pas, qui vient nous rendre un peu visi. Je fais plus de rap, appelle la rumeur. D'après les rumeurs, désolé si j'ai refusé une photo, c'est que j'étais pas d'humeur. Mon corps est noir, miss, rallume la lumière. Tu me fais le mec sème devant des folles, tu fais la lumeur. Laissez-moi, je suis mal luné, se sentir mal aimé. Ça fait mal comme d'apprendre qu'une personne que t'as aidé veut t'allumer. Pour 20 E, ça se met des rafales dans les boîtes. Y'a un bruit, regroupe tout le monde, prépare les calibres. Les venez, ils victimisent mon pote, tu veux que je fasse quoi? J'suis pas Mesrin, moi, t'es pas mon top, ok. Pour les frères en cellule, mec, Mirador fusion en lunettes. Plus de respect, c'est trop la crise, tu dis ton pote, tu veux lui. J'fume la substance illicite, tout droit venu de Drancy. J'suis au poteau d'en faire un gros, j'suis pas trop bien, c'est Drancy. Faut que qu'on mère les racistes, j'm'en balais que passer à la cise. Ou j'm'en tape, moi, tant qu'elle mouille la culotte dans la cise. Rien que ça tire, les filles faciles, on attire. Trop de jalousie, ça sort l'usine. Si c'est pour rien que ça tire, Armani, Versace. On sait du le faut que vous sachiez. Je faisais du rap dans ma chambre de chez moi, je voyais les civils se cacher. Tu fais le voyou, t'as jamais touché une gâchette. Et j'ai entendu que tu baisais sa soeur en cachette. Merde, ça s'achète. En plus, t'es une cagette. Plus de tête sur la hachette. Sur le grand-père à nagette. Ok. Sur le grand-père à nagette. Sur une machine, ça fait des tractions comme une machine. Si tu le sais pas encore, Liga One, c'est ma tue, je pense hardcore. Parce qu'ils s'amusent à dire que tu pars à paix. J'ai le buzz, tu viens de coller, j'ai pas besoin de toi, fous-moi la paix. Moi je t'en ce high kick dans la tête. Au quartier c'est pas la fête. Laisse pas traîner ton fils, les petits chez moi le raquette. Tu ailleurs. Donc je vous rappelais que je vais tout niquer, ouais je rappeur. Tu fais le dur mais ta femme te met au piqué. Tu veux Shakira comme Piqué ou Beyoncé comme Jay-Z. Je suis dans ma paranoïa, je crois que sûrement ça va devenir crazy. Je trace tout droit, je calcule pas mes ennemis. Tu me fais le gros fumeur, mais tu fumes que du semi. Moi de toi j'ai pas peur. T'as trop joué à Calop, dis-moi poteau t'as pas peur. Tu comptes que sur les gens, que tu racontes des légendes. Je suis sûr que t'es fatigué, dans ce monde y'a trop d'acteurs. Et vas-y range ta calache, moi de toi j'ai pas peur. T'as trop joué à Calop, dis-moi poteau t'as pas peur. Tu comptes que sur les gens, tu racontes des légendes. Je suis sûr que t'es fatigué, dans ce monde y'a trop d'acteurs. La la la la, yeah. La la la la la, yeah. On bat les couilles, ce soir on est tous ensemble la famille. Vas-y, on va le sort. Je rappe les hommes comme personne. Je fais mon perso. Sur le goudron, j'ai froissé des persos. Liquidité en tasseau, que des bandes de cassos. Que des malfrats qui sont montés en assos. Sans s'en monter la sauce, déballer le matos. Tu veux la vie de rêve, ouais ça coûte des bastos. Ok, bah moi, c'est le son des vatos. Qui partent à la gratte, replaquer le gamos. Je suis dans les baloches, cousin dans la sacoche. On reconnaît les flics en sachant, je vois les guetteurs qui chouffent. Je vois les guetteurs qui chouffent. Je vois les guetteurs qui chouffent. Je vois les guetteurs qui chouffent. Je vois les guetteurs qui chouffent. Je vois les guetteurs qui chouffent. Je vois les guetteurs qui chouffent. Je vois les guetteurs qui chouffent. C'est bon, ok, vas-y, vas-y, on va. J'écris des tasses, vendant que mes petits vendent des tasses. Toi en gros pas dans le détail, c'est Vandamme, vend des tas. J'te rappe ma sœur, mais non j'ai pas le salaire à bail. J'vois des darons passer le balai pendant que les pneus payent. Génération vote pas, génération vodka. Génération chaîne de guerre, vodka. Et qu'est-ce qu'il y a, on prend le game, c'est la mancha. Pour une folle, toi tu sors les guns, c'est la manta. Et quand t'arrives à 10, on est 50. Toi tu roules à 110, pour d'autres passe le sel, et m'a des 50. C'est plus des KRA, c'est des pirates. L'équipe est solide, sur son folie. Une vie secouée, des destins troués. J'ai vu des mecs doués, se faire écrouer pour payer leur loyer noué. Entre les dettes, l'état, les factures douées. Yeah, vas-y le couille, enchaîne. Yeah, je casse un freezer. On enchaîne les kamikazes. Yeah, yeah, yeah, yeah, ok. J'ai un rime pour du bœuf quartier Taros. Marseille, c'est la zone Maris. Yeah, c'est kamikaze pour toi. Yeah, casse un pariole. La zone Maris, de... Ok. Yeah. Liga, Liga One. Ça me casse pas tout. Ok. Ok. Yeah. Yeah. Liga One. Liga One. Ok. Yeah. Un. Un. Ok. Si t'as ce répondre, méfie-toi de ton pote. Ok. Si ta sœur est bonne, mais plutôt ton pote. Fais qu'en fait à personne pour quand ton Glock. T'es foutu si t'as mis ton plein un Glock. Si tu veux de la frappe, viens me voir dans le bloc. Rien comme l'époque de la VK. Les portes de arrière, MBK. Tout du gros pied caché dans le Mika. Le morvan passe crème comme Jumilka. C'est pas comme Mika. Et pour les Marcus, le cocktail. On récupère l'Arcus, on prend les virages larges. Comme un grand bus, on arrache le sol. Comme un Brabus, montre-nous de quoi t'es capable. Au moins, j'étais prêt à te mettre à table. T'as du gros somme, pas besoin de comptable. On te prend ta race, vu que le shit est rentable. Avec des petits corps sur des grosses bécanes. Tu du H, le terre-terre plane. Je dépasse le gratte-ciel sans aucune ficelle. Pour toi, je suis dans le ciel comme un delta plane. On fonce le salaire à Zlatan. On fonce tout droit dans le platane. Je frappe comme Statam, pas un dans le bustam. Tu dis que c'est ta pute, mais pour toi, c'est ta femme. On veut de la caille, nique les ratailles. Qui sont pas taille pour la bataille. Comme du bétail, on te laisse sur la paille. Tu fais peur aux oiseaux comme un épouvantail. On se donne encore rien à foutre de la médaille. On consomme le pollen tous les jours en étaille. Tout écoute, écoute, qu'on ne coupe pas les détails. On va pas en plaquette, on préfère le détail. Si ta sœur est bonne, mais vis-toi ton boîte, ok. Yeah, yeah, kamikaze poto. Quand t'as pas de thune, on te calcule plus. Ne fais pas le mec speed si t'avances plus. C'est quand on a les choses qu'on en veut plus. Fais pas le mec, t'es à l'agonie, t'en peux plus. On consomme trop, ouais, ça monte plus. Il me faut de l'inspire chaque couplet. On se clé de taille, rapporte plus. Ne fais pas le gros si t'as des plats coupés. Ça vient du tertiaire, du 13 de sang. Toujours des terres pour les frères de sang. J'fume de l'air, du marron, du vert. Si le feu est vert, on passe à 200. Poto, on t'a vu, fais pas l'innocent. Sur le tertiaire, poto, tout se sait. Tout s'apprend, poto, tout se prend. Mais pour l'argent sale, on a tout laissé. Produit, j'tôt, accro à la CC. Trop de produits, j'étais dans les WC. J'fais de mon mieux de rester brigessé. Trop de chaînes de la casse, trop de chaînes blessées. J'ai toujours avancé, seul dans ma lancée. Parle pas trop, tu peux te faire devancer. On fait du rap quartier, y'aura pas de quartier. Tu veux nous test, je vais te montrer comment c'est. J'avais annoncé, la bombe est amorcée. Tu sais que c'est le verre écorcé. Tu peux tomber sur la chaussée. Pour tenter trop sec, donc arrête de forcer. On fait le forcing, le rap je le pénètre. Le rap est mort, je le refais naître. Suffit pas de parler, il faut connaître. L'amitié s'est barrée par la fenêtre. Liga One. Vas-y, Wari. Wari, ghetto phénomène. Allez. Ah. Laisse-moi te dire qu'on les baise. On prend le rap par les fesses. Et oui, faut faire les jazz. Faut ramener le bif à la thèse. Faut que le proc se bâtard. C'est pour les frères au star. En cellule, pas une ch'toune. Personne pour toi, c'est trop tard. Laisse-moi te dire qu'on les vexe. Laisse-moi te dire qu'on les nex. Restez bien, c'est la base. Faut de faux font les mecs. Bon, la France, c'est pas le Qatar. C'est cher, guetta. La Shnikov, Beretta. L'État nous laisse dans l'état. Toujours actif, on les laisse. C'est pas l'alias qui fait l'être. Confiance, trop de mal-être. On est plus sous ça d'entrée. La mort devenue banale. Ça dit ça là, mais ça te la met encore dans le canal. Ou dans une caisse volée cramée. On fait le bien dans le mal. On veut l'or, la maille. Ça compte le pire devant le mic. Elle est hardcore. La monnaie, on va bicraver, voler. On va pas redonner. Veuillez pardonner. Pour la monnaie, on va bicraver, voler. On va pas redonner. Veuillez pardonner. Monnaie, on va bicraver, voler. On va pas redonner. Veuillez pardonner. Monnaie, on va bicraver, voler. On va pas redonner. T'arranges, mais si tu me cherches sur ma tête que je t'allonge. Y'en a trop qui profitent, ils aiment te voir souffrir. Ils me prennent pour un souffrir, je pèse avec le sourire. On a fait du sale pour la monnaie, ça récidive depuis mon bébé. Les gens le savent, mon ami, impossible de bouffer ma Miami. Mon écho dit moi qu'est-ce qu'on dit, quand la conquête on la tombe, on la met. Je veux pas vendre dans la street à la bandit. Tu m'as vu, donc m'écoute pas des ondes. Dans cette région, les coquilles. Donc calcule pas qui est qui. Rien n'est conquis. Donc calcule pas qui est qui. J'ai fait du mal, car j'avais trop de même pas. Je suis parti à la dérive, ma vie c'est de même pas. Je me relève depuis Gringo. Dans la salle à manger, je veux le bingo. Et ça te faille dans le bingo. Si tu me cherches, on départ comme un comingo. Juste après, on fait la péro. Ceux qui m'ont fait du mal, et le péro. Oui, c'est d'amener. Il m'en faut pour me calmer. Car c'est très fameux ce qu'on est. Ils aiment te voir un mec dans la même condamnée. Mais ils vont comprendre cette année. J'ai la foutre une sainte année. Je ne me prends pas pour Tony. Mais mets-toi plutôt de ce qu'il y a dans ton nez. On est dans le train, on est dans son hockey. Money dans mon flow, les font torquer. Si y a un beau plan, je suis loqué. Je rentrerai chez toi sans toquer. Non, tu n'es pas le plus chaud de ta tête. Fais les cacos pour être prendre de vitesse. Chargé sur le GP. Tu n'es pas journée. J'ai fait ra, voilà c'est quoi la vitesse. Non, tu n'es pas la plus chaude. J'ai fait ra, voilà c'est quoi la vitesse. Non, tu n'es pas le plus chaud de ta tête. Mais qu'est-ce que je pourrais te prendre de vitesse. Non, chargé sur le GP. Ra, voilà c'est quoi la vitesse. Voilà. Au revoir, c'est chaud. Voilà la vitesse. Voilà. Go, allez, ok, man. Ok, man. Ok, man, on va les choquer là. Liga One. Liga, Liga, Liga One. Liga One. Liga One. Liga One. Liga, Liga, Liga One. On prend le sommeil. Parce qu'il manque de l'oseille, c'est la dalle qui te réveille. Hey, moi, mon frère, c'est pareil. On y va doucement. J'ai un limite, je monte un gros poteau de puissant. Arrêtez le rap, les gars, vous perdez votre temps. Pour les MC morts, je demande un instant. T'entends, tout niquer dans le game, la famille, c'est tentant. T'as les rebelles de ma ville, raison n'est pas en train. Et si tu veux l'oseille, va braquer en quatre temps. On fait l'ordre dans le game, c'est ce qu'il fallait. Déterminé comme dans les dons. Septe un voyou, ouais, allez, allez. Les gars, moi, les baisse que des bons noms. Direction la jungle, ouais, on dit. Tu vas goûter une sol, ça qui sur du rap, du rap, du den sol. Quoi t'as fait du buzz, laisse-moi rire, lol. Tu dis que c'est ton frère, tu l'aimes trop. Mais pourquoi tu donnes le go? On sait que ta veine t'a les gros. Mais pourquoi tu me fais le gros? dans le ghetto, c'est calor, ça refit au nid. Pour un billet, manger les colonies en manque de l'autre. Je le dis, mon pote, ça vise à mort. Des fils de pute s'occupent de ma life. Sur la piste, Bella se balade. Je vois la lune de l'ouest, sous vos cas, demande à une vie de malade. J'ai caca, calé dans mon carré. J'suis pété, elle vient me parler. C'est 4 heures, envie de me barrer. J'me retrouve pété sur le jarret. Vida loca, la vie des tarés. Donne la photo et donne le tarot. Envoie le mandat et paye l'avocat. Reste pas trop là, y'a que des paros. Tu dis que c'est le bon frère, tu l'aimes trop. Mais pourquoi tu donnes le go? Tous ceux que j'ai oubliés, tous mes frères en prison, ouais. Et c'est pour mon quartier. Yoni, Yoni, Chicha, Bibi, pour la Chicha, Toutou, Yuna, Tudé, Jmeda, JP, Tudoué, à la mine. Merci, Johnson, en prison, voilà le Panthéon. Le Panthéon. Je sens. JP, Tudoué, à la mine, Jmeda. Je sens que ça va être. Je sens que ça va être compliqué. Ouais, attendez, de les conclure gars, ce Planète Rap et il est important de le conclure. Merci déjà à vous tous, bravo hein, le son avec la Liga One. Merci qu'on peut retrouver sur l'album, l'album de Jul. Voilà. Attendez, attendez. C'est la Liga One. Attendez. Vas-y, vas-y Jul. Un dernier mot, dernier mot il est pour toi. Alors le dernier mot, c'est pour mon frérot, mon manager que j'aime, Charlie. Voilà. Une grosse pensée pour lui, c'est grâce. Tout ça c'est grâce à lui et voilà, je l'aime fort. Et voilà, je l'aime fort. C'est la crise en moi et que je l'oublierai jamais. Voilà. Et aussi, voilà, pour finir, une dédicace à Toutou, Vida Location, Jaco, Chicha le Patio, la numéro 1 à Marseille. Après, une grosse dédicace au frérot en prison. Au Ponté, à Luynes, à La Farlette, au Beaumette, à Salon, à Tarascon, à Nanterre, à La Santé, tous ceux de Paris, tous ceux de Marseille, Lyon, toutes les grandes villes, toutes les petites villes, c'est la crise au mic, mec, que je vous dédicace à tous. Et allez chercher l'album, c'était le 8 décembre, je trouve pas le sommeil, c'était la crise au mic, mec. Merci. Merci Jul, en tout cas pour cette semaine. L'album est numéro 1 des ventes, Jul. Merci. Qui déjà du précédent, on a vendu plus de 200 000. Donc ouais, ça continue maintenant avec un nouvel album. Un album complet, on l'a dit, une vingtaine de titres. Pour ceux qui l'achètent, même d'ailleurs sur le net, il y a 23 titres, je crois, en plus. C'est ça, ouais, voilà. Je tenais à remercier DJ Abdel qui était là toute la semaine. Un gros merci à DJ Abdel. Abdel, ce week-end on te retrouve quelque part ou... Ouais, là ce soir du côté de... pas loin de Lyon, à une demi-heure de Lyon. Et demain dans 78 au Palme, voilà. Eh bah super, merci en tout cas d'avoir été avec Jul cette semaine et avec nous toute la semaine Abdel. Et puis on attend tes projets aussi 2015 hein, je crois qu'il y a un gros truc qui se prépare avec, avec peut-être du Jul dessus. Ah certainement. Certainement du Jul dessus. Ouais, et puis, ouais. En attendant Abdel a signé aussi un son sur ton album. C'est ça, Je m'évade. Je m'évade, un morceau qu'on a pu découvrir cette semaine. On fait tourner la roulette juste avant de retrouver la radio libre de Difool, c'est parti. La chicha, le mille et une nuit. Julie de Nantes. Ah, Julie de Nantes. Deux secondes. Il y a un appel. Deux secondes. C'est le feu. Ah, les gars, deux secondes. Vas-y, parle, Julie, parle. Julie. C'est le feu dans le studio, J'avais dit feu d'artifice, on n'est pas loin en soir. Ah là là, ouais, je vois ça, dis donc. Bah c'est ça, quand Marseille se déplace, c'est pas pour rien. Voilà, ils sont là. Elle représente, ouais, je vois ça. Donc toi, t'es Nantes, tu viens faire tourner la roulette, on y va, Julie, c'est parti. Ouais, c'est parti. Allez, dès que tu veux, tu dis stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi, sur la case, c'est... Eh ben voilà, c'est fait, 80 euros au bon d'achat, la compile Skyrock Urban Music Non-Stop, où tu retrouveras du son de Jul d'ailleurs dessus sur la compile. On t'envoie ça, Julie. Merci à toi, ciao. Merci à vous tous. Jul, Ouais. On te retrouve aussi le 31 décembre. 31 décembre. Pour faire la fête avec Jules et toute la Liga One. Voilà, Saint-Étienne, à la Dicte Club. Et vous l'avez certainement remarqué, ce sont de sacrés fêtards. Voilà. Vous avez pu voir ça. On se déplace pas pour rien. Tout le temps, on fait la fête, nous. Donc, c'est le 31 décembre à Saint-Étienne, hein. Voilà, c'est ça. On va mettre le feu, on va retourner les murs, comme ils le savent. Merci à vous tous. Allez, merci. Merci Jules. Ciao, merci. Liga One, Liga One, Liga One. Et on va retrouver 10 foules normalement. Liga One, Liga One. On est là. Liga Jules, Liga Jules. Liga Jules. Liga Jules. Liga Jules. Ouais, ouais, ouais, c'est la Liga One. Eh ben, on a entendu ça. Merci Jules pour cette semaine. Merci à vous, l'équipe. Et retour très bientôt. Un petit Jules, sans doute dans la soirée aussi avant minuit, là. Allez. Et puis, la nocturne de Planète Rap avec peut-être du Jules aussi dedans. Avec du Jules, il y aura aussi Iqbal TLF qui viendra faire la prog pendant une petite heure dans la nocturne. Donc... Ah, vous devez de représenter, là. Attention. J'ai assez représenté cette semaine, là, c'est bien, c'est bien. Vous devez de représenter, là. C'est merci clair. Jules, en tout cas. Et semaine prochaine dans Planète Rap. Semaine prochaine, c'est Gizmo avec son album à découvrir. Retour de Gizmo entre 20 et 21 toute la semaine prochaine. Et ben on sera là nous aussi. Et là on est là jusqu'à minuit, Radio Libre. Ciao, bonne soirée. Salut Jules. Ouais, ciao, bonne soirée, merci à tous. Et à très vite. Et Fredo, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est mon son, ça. Ça c'est le son de Non, c'est le mien aussi. Ah, c'est le mien. Bah, c'est le mien. C'est le mien. Battez-vous, Ronson. Avec Bruno Mars. Ouais, Mark Ronson, Bruno Mars. Sera... Fun. Ouais, Abdon Funk qui sera avec nous la semaine prochaine, je crois. Mark Ronson. Mark Ronson. Ouais, il viendra dans la radio libre. Je sais pas quel jour, on verra la semaine prochaine. On a le temps. Ça sera la surprise. On va déjà bien terminer cette semaine là. C'est parti. Dans un instant, c'est même parti tout de suite. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas. C'est comment ça marche, hein, Fredo. Eh ben, il faut les SMS, et venir faire les cours avec nous. Aligner voilà. Avec le net aussi, envoyer le hashtag #DeepFool. Allez, faites tout péter. Mmh. Et à tout à l'heure, Fred. Ciao, ciao à toutes. À toutes. Mark Ronson pour démarrer la soirée avec Bruno Mars, Uptown Funk. Et la Radio Libre, c'est parti tout de suite. Ciao. Go. Ciao, Fredo. Ciao, Fred. 1500 euros tous les matins sur Skyrock. C'est toi, c'est Skyrock. La prochaine fois que ton téléphone sonne, réponds que t'as